François Morel, c'est à vous. Comment ça va, Vincent Lindon, la petite santé? Je vous demande de parler, ça François. Parce que depuis le début de l'année, il y a quasiment un mort célèbre par jour. Michel Delpech, Pierre Boulez, André Courrèges, Michel Galabru, David Bowie. Comme dirait Jean-Pierre Marielle, enterrant un de ses amis, pour mettre un casque, c'est la guerre. Quand on est célèbre, c'est mon conseil. People, il faut bien choisir la date de sa mort et bien veiller à ne pas mourir en même temps qu'une personnalité encore plus connue. Jean Cocteau, disparaissant le même jour qu'Edith Piaf, ne s'en est jamais remis. Je préconiserai la création d'une sorte de bison futé funéraire les jours de grand départ, permettant de ne pas trop encombrer les autoroutes mortuaires. Donc, vous, Vincent Lindon, vous êtes verni, vu que vous occupez aujourd'hui une place importante dans ce 7-9 sans avoir pris la peine de passer l'arme à gauche. Profitez-en bien. Je pense que vu votre notoriété, quand vous serez amené à disparaître, vous pourrez bénéficier de pas mal d'hommages en tout genre, si bien sûr vous ne faites pas la boulette de partir le même jour que Gérard Depardieu ou Kev Adams. Cette semaine, nous avons appris que... Oui, vous entendez. Bien sûr. Mais François, qu'est-ce que je t'ai fait? Bien. Je suis hypochondriaque. Et ça y est, ça allait bien. Pourquoi me finir cette émission comme ça? T'inquiète pas, c'est fini là. Pour toi. Cette semaine, nous avons appris que David Bowie avait énormément accompagné la vie de nombreux hommes politiques français. Un vent de liberté s'éteint, pleure Robert Ménard. Laurent Wauquiez tweet une photo de David Bowie avec ce commentaire empreint d'une sobriété émue à la mémoire d'un grand artiste. Laurent Wauquiez, le virulent opposant au mariage pour tous, était fan d'un garçon bisexuel qui notamment fut l'amant de Mick Jagger. Incroyable. Même Hervé Morin révèle que David Bowie l'accompagnait depuis plus de 30 ans. Hervé Morin et David Bowie, une relation insoupçonnable, ébouriffante, j'oserais même dire hallucinante, et qui permet de comprendre bien des choses. On saisit mieux en effet les surprenantes sorties d'Hervé Morin qui, avant d'évoquer les trous du cul, avait soutenu avoir vu débarquer les Américains en 1944 sur les plages normandes, soit 17 ans avant sa naissance. Face, Hervé, que la disparition de David ait au moins la vertu de vous écarter définitivement de ces chemins périlleux que représente la cocaïne et toutes les substances hallucinogènes. Je comprends votre tristesse, Hervé, et la respecte, mais écoutez-moi bien, la drogue, c'est de la merde. Il est toujours joli le temps passé une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Presque 35 ans après sa mort, Brassens reste le meilleur commentateur de l'actualité. Il est toujours joli le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Juliette Gréco, la chanson de Brassens pour ponctuer le billet de François Morel. Merci beaucoup François.